Vous êtes prête? Oui, le temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous. Faites vite, mon chou, faites vite, tu fais si beau. 9, 10, 11, 12, midi! Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi. Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air. Quoi donc? Un peu de pied sous la table, et ça me tape sur les nerfs. Oh, par exemple. Lorsqu'il me dicte une lettre en faisant le plaisantin. Je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, lorsque l'horloge sonne, midi, midi, il me dit ma petite mignonne, n'est donc jusqu'à lundi. Je réponds mon vieux bonhomme, merci, merci, mais pour voir votre pomme, toute la semaine me suffit. Non vraiment je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette et je vole dans ses bras. Oh, il est jeune, il m'emporte chez lui, chez lui. Chérie, je vous emporte chez moi jusqu'à lundi. Mon amoureux me guette, je vole dans ses bras. Ce sont deux jours de fête dans la petite maison là-bas. On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.